Atteint leur bonheur, peut-être plus le courage, je n'en sais rien. Ce qui est sûr pour le quart d'heure, quand je fais rien, je me sens bien. D'ailleurs, je ne fais pas rien, je réfléchis, je pense, j'observe, je contemple, ça me suffit. C'est dingue ce qu'on voit quand on regarde. Mon esprit s'envole quand mes pensées s'évadent. J'avais pourtant arrêté de fumer, de manger de la viande et de picoler. Je voulais vraiment y arriver, mais de quoi ça allez-vous faire encadrer? J'ai troqué ma Rolex contre du temps libre, revendu ma maison, acheté un navire. Je visite le monde et rencontre des gens, sans compte à rendre, ni emploi du temps. J'imaginais même faire une pure folie, finir ermite à 92 peut-être, mais nowhere baby, ça a été l'embellie. Faut dire que j'étais bien conditionné, depuis tout petit j'ai toujours obéi. En classe je voulais même être le premier, il m'a fallu du temps, mais j'ai compris. De donner des leçons, encore moins de vous dire ce qu'il faut faire. Pour moi la vie se trouve à l'horizon, vers des pays lointains, de nouvelles atmosphères. Semaine par an, je suis que tout.